La Corée accorde à l'heure actuelle un grand intérêt à la fondation de l'industrie de chimie carbone 1, basée sur la gazéification de houille, un des objectifs stratégiques quinquennaux de développement de l'économie nationale. Depuis son corps des dessinateurs, la direction des travaux de construction et autres mesures ont été prises depuis le ministère de l'industrie chimique jusqu'à ses unités affiliées pour obtenir certaines réalisations dans la fondation de l'industrie chimique carbone 1. Le complexe des engrais de Funam a déjà instauré le processus de production d'alcool méthylique basé sur la gazéification de houille. Le complexe chimique de la jeunesse de Namon aussi est prêt à promouvoir dynamiquement la production de divers produits de chimie de base, tels que l'orlon et la fibre PP dans les bases d'industrie chimique, une fois aménagé le centre de production de l'alcool méthylique à base de charbon.